le bonheur. Pour chercher le paradis, il faut dépenser de l'énergie. Il n'y a pas d'ascenseur pour parvenir au bonheur. Il faut prendre l'escalier.